En Corée, un exposé national de sciences et techniques du secteur de Polder s'est tenu les 27 et 28 à Pyongyang, au Palais des sciences et techniques, sous les auspices du comité central de la Fédération générale des scientifiques et techniciens de Corée. Y ont pris part des fonctionnaires, enseignants, chercheurs, dessinateurs et membres de doctorat d'une dizaine d'établissements comme l'Université Kim Il-sung, l'annexe hydraulique et maritime de l'Académie nationale des sciences, l'Institut de plomb de Polder et le combinat de construction de Polder de la province du Pohang du Nord. Plus de 70 dissertations sont présentées pour exposer des succès dans la modernisation et la scientifisation de la construction de Polder au moyen des méthodes rationnelles conformes aux caractéristiques naturelles et topographiques et à l'impératif de la réalité en évolution dans notre pays. Des meilleurs participants sont diplômés et primés.